Parce qu'elle fait horizontale. Mais t'as des sons ou pas? Je pense qu'on va en prendre pour un grade. Il fait hyper chaud, dépêche. Allez. Ça va, bien. Tu laisses en tapis, comme on avait dit, comme une fin de l'épisode. Ah, on peut dire qu'il a écrit sa propre histoire. Non. Bah écoutez, j'allais vous dire au revoir, mais je... On refait. C'est tout ce que tu vas laisser? Un prout? Je reviens de Budapest. Bonjour. Il va laisser un prout. Voilà. Tout ce qu'on retiendra de lui. T'es triste. Il était obligé de faire une bruit pour terminer. Les gars, c'est compliqué là. Pas grave. Allez. On va boire. Yes. Tu te moques de moi là, Matt? Ok. Oui. Très bon. Allez, Loulou, du naturel. Ouais, hein? J'ai aussi l'eau. Les gars, ils vont lancer le jingle là. On allait vous dire au revoir, mais Pierre, notre chef, notre grand gourou, a rejoint encore le studio. On t'écoute, Pierre, à toi la parole. Ouais, merci Louis, seulement 10 minutes de retard pour toi aujourd'hui. Quelle progression, tu m'épateras tous les jours. Je vais essayer de pas trop céder à l'émotion quand même et de pas m'afficher aux oreilles de tous. Même si on ira tous mieux, je pense, dans 5 minutes. On a pris énormément de plaisir pendant un an à vous informer sur toute l'actu, parfois de la grosse actu, parfois de la plus petite. On n'a pas toujours été ça n'a pas toujours été simple, surtout avec toi. Bon, je vais la refaire. Qu'est-ce que ça va être naturel là? Genre, on va se reprendre les balles gratuites là. Bon, du coup, il n'y aura plus l'effet de surprise. Hein, désolé. C'est pas grave. Je vais forcer le rire. On allait vous dire au revoir, mais notre grand chef, notre grand gourou, Pierre, est resté sur le plateau. Pierre, on t'écoute. Oui, merci Louis, seulement 10 minutes de retard pour toi aujourd'hui. Quelle progression. Tu m'épateras de jour en jour. Je vais essayer de ne pas trop céder à l'émotion et de ne pas m'afficher aux oreilles de tous, même si on ira tous mieux dans 5 minutes, je pense. On a pris énormément de plaisir pendant un an à vous informer sur toute l'actu, parfois de la grosse, parfois de la toute petite. Ça n'a pas toujours été simple, surtout avec toi, juste derrière la vitre du studio. Maudite console. J'en profite pour remercier d'ailleurs Damien qui nous a sauvés une paire de fois. Alors, on va ressortir le best-of hein, quand même, l'épisode du Tascam. Vous l'avez tous, un son digne de la Dolby Surround pâté Wilson, évidemment, à écouter en boucle. L'épisode sous cocaïne aussi, monté en plus par le journaliste le moins hyperactif de la bande. Merci Tristan pour ce moment. Mes tympans ne s'en sont toujours pas remis. Et puis, mea culpa aussi sur le forex de ton épisode, Charlotte. On attend toujours la fin de cette émission. Le monde aussi, je pense. Mais ce qu'il faut surtout retenir de cette saison d'actu, c'est le groupe qu'on s'est créé, alternant, non-alternant. Vous avez tous joué votre rôle à fond et sans vous, rien n'aurait été possible. Merci à l'équipe réseaux sociaux, vous avez été incroyables. Une partie du podcast inédite et qu'on laisse en héritage à la nouvelle équipe, qui, ne vous inquiétez pas, et j'en suis certain, sera excellente. Alors, merci pour tout et écoutez Actu. Ouais. Sur ce, je vais mettre un peu de glace sur mes oreilles. Je fais un pied à ça ou pas en vrai? Non. Parce que je... Ouais, on fait sur ça? Parce que moi j'ai mis tous les noms mot à mot. Mais tu fais tout le monde en fait là, c'est bon? J'ai mon cœur qui bat la chamade, peut-être que je vais m'effondrer. Que d'émotion, Pierre. Et on va le publier. Quelle saison? On doit le monter encore. Ah ouais, c'est vrai que t'as joué. On doit le monter. On doit le publier.